Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docs. Aujourd'hui, les psychanalystes et leurs premiers patients. Un documentaire de Virginie Bloch-Lenné réalisé par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a une documentariste d'origine syrienne qui refuse la psychanalyse et se demande si d'autres qui appartiennent au monde musulman sont eux aussi réticents. Mais est-ce que cette science bourgeoise, judéo-chrétienne et européenne peut s'adapter? Et d'ailleurs, à quoi ressemblent les premières séances? Alors pour commencer, les personnages. Une psychanalyste qui a essayé son divan, un autre qui trouve la liberté, une autre qui cherche ses propres mots, et enfin une autre qui a du tact. Ensuite, le décor. Des appartements feutrés à Paris, des divans, des siestes, des images, Sigmund, le regard, les limites, des SMS, des souvenirs et des associations. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive au cinéma. Et alors, vous avez toujours vécu seul? Pourquoi me demandez-vous ça? Comme ça, pour m'aider à mieux vous connaître. On m'a dit que vous n'étiez pas marié et que vous n'aviez pas d'enfant. Mais vous avez des liens affectifs qu'on comptait, non? Non. Et ça n'a pas été un problème pour vous? Je ne sais rien, c'est ma vie, c'est arrivé comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Je crois qu'il va bien falloir 3 séances au moins par semaine. Pendant combien de semaines? À mon avis, quelques années. C'est beaucoup. Je sais. J'ai besoin d'aller marcher un peu. Les psychanalystes et leurs premiers patients. Virginie Bloch-Lenné, Anna Schmuck. Caroline, depuis combien d'années vous êtes psychanalyste? Depuis une dizaine d'années. Lorsque vous vous êtes installée, il a fallu décorer votre cabinet, choisir les meubles, les tissus, le divan. Comment vous y êtes prise? Alors, comment je m'y suis prise? J'ai choisi en fait mon fauteuil en premier. J'ai choisi mon fauteuil parce que je savais que j'allais y passer beaucoup, beaucoup de temps et que c'était très important que ce soit confortable, mais en même temps, c'est des détails finalement auxquels on accorde plus d'importance au début qu'après. Après, je dirais que le cadre, c'est soi-même, alors qu'au début, effectivement, c'est peut-être c'est l'environnement, la décoration. Alors, on fait très attention, on veut pas être trop caricatural, et en même temps on a dans sa tête finalement les lieux qu'on a soi-même habités, si je puis dire, en tant que patient, puisque finalement on est toujours patient avant d'être analyste, donc on a comme ça des références, et je pense que tous ces éléments là ont contribué à m'aider dans mon choix, et finalement j'ai mis plusieurs années à m'autoriser à m'offrir un beau divan en cuir dont je rêvais. Mais je pense que j'avais besoin de voir quelques patients et de passer quelques années avant ça. Au mur, qu'est-ce qu'il y a? Alors au mur, au-dessus du divan, rien. Parce que je trouve très désagréable d'être comme ça, adossé et avoir quelque chose un peu qui peut vous tomber dessus. En revanche, moi je ne peux pas ne rien mettre au mur. Donc il y a des tableaux que je peux avoir depuis très longtemps. Face au divan, il y a un tableau très très énigmatique qui est au fusain, que j'avais acheté dans une galerie quand j'étais toute jeune, qui était donc un tableau qui n'était pas très cher, mais d'un artiste qui s'appelle Ernest Pignon. Et donc on met beaucoup de temps à s'apercevoir qu'il y a un profil d'homme. Moi je trouve qu'il ressemble à un peu un Antonin Artaud, un homme comme ça avec un nez assez fort. Mais je pense que c'est aussi un tableau qui peut s'interpréter à plusieurs niveaux. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a face au divan. Et face à moi, qui suis aussi face au divan, mais un peu décalé. Il y a une photo que j'aime beaucoup, qui est une photo prise de l'extérieur, de l'intérieur d'un appartement. Et donc on voit à travers l'encadrement de la fenêtre ce qui se passe derrière. Il n'y a personne d'ailleurs, mais il y a des livres, il y a une table. J'aime beaucoup cette image-là. Je la trouve apaisante et une invitation à rentrer. Lorsque vous avez commencé votre pratique, vous craignez que le patient puisse savoir qui vous étiez en regardant la décoration de la pièce ? Je ne sais pas si je craignais qu'il sache qui j'étais, puisque je ne sais même pas ce que ça veut dire de savoir qui je suis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se dit que le patient va savoir, enfin, en tout cas, va s'imaginer des choses. Et puis on s'aperçoit que de toute façon, il va s'imaginer des choses. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à être très neutre, peut-être même à se cacher. Et puis, je pense qu'on se libère beaucoup de ça, sans rentrer, évidemment, sans être dans l'exhibition ou sans s'exposer. Il y a forcément des choses qu'il va voir de vous, mais j'allais dire, la première chose qu'il voit de vous, c'est vous. Donc, je ne parle pas seulement de la manière dont on s'habille, dont on se présente, mais l'écoute dit beaucoup plus sur soi que finalement la décoration. Alors, c'est vrai que c'est un indice social immédiat. C'est une première impression, et celle-là, de toute façon, il y a toujours une première impression. Et je pense que la neutralité, elle envoie aussi une première impression. Le divan, Caroline, vous l'avez essayé ? Je l'ai essayé, évidemment, parce que je ne vais pas faire asseoir ou faire allonger plutôt des gens dans un endroit que je n'ai pas essayé. C'est un divan de Miss Van Der Rohe, le classique divan, celui donc que je me suis offert et autorisé au bout de quelques années. Il est rouge foncé, ce qui est une petite touche, effectivement. Et il est extrêmement agréable parce qu'il est très large, donc il vous tient bien. Donc oui, je l'ai essayé, il m'arrive parfois même de m'y allonger. Un bon divan, il faut que ce soit accueillant et avec quand même une certaine fermeté. Alors c'est assez drôle parce que l'année dernière, il y a des collègues analystes qui sont venus dîner chez moi. Et puis donc du coup, je leur ai montré le cabinet. Et ils ont dit, mais il est trop petit ce divan, il est trop étroit, ça va pas. Alors ça m'a... Ils l'ont essayé ? Non, ils l'ont pas essayé. Ils ont dit « Ah non, non, non, mais moi, vraiment, ça va pas. » Et puis bon, ils se foutaient un peu de ma gueule. Enfin, ça m'a mis dans des affres, parce que moi, j'aime beaucoup ce divan. Bah, il y a un divan, évidemment, qui est là aussi de taille moyenne, qui est, je crois, confortable. Vous l'avez essayé ? Je l'ai essayé. Je ne sais pas si je peux en dire plus, mais il m'est même arrivé de lire dedans et de m'assoupir lorsqu'il y a des rendez-vous manqués. Donc c'est un divan que j'ai choisi, de couleur dans les rouges. Vous connaissez, Caroline, l'origine de l'utilisation du divan par la psychanalyse ? L'origine, c'est-à-dire pourquoi Freud a décidé d'utiliser un divan. Bah, en tout cas, l'histoire que j'ai souvent entendue, et il me semble même lue, c'est qu'il trouvait trop difficile d'avoir à soutenir le regard de ses patients, on va dire 7, 8, 10 heures par jour, puisque c'était quand même un forcené du travail, et que c'est pour ça qu'il les a allongés, pour finalement ne pas lui être sous le regard de ses patients. C'est-à-dire que c'était une sorte de libération pour lui de pouvoir écouter sans avoir à finalement s'observer lui-même. Et son écoute à lui était beaucoup plus libre, enfin, et beaucoup plus flottante. Et à ce moment-là, je pense que ça a rencontré ce qu'il avait pratiqué déjà d'une façon très différente avec l'hypnose et la suggestion, qui était de libérer aussi le patient de ce regard social, de ce regard d'aller-retour, où finalement une parole demande une réponse, et là la parole est suspendue et n'appelle pas forcément une réponse, ce qui est encore extrêmement déconcertant pour la plupart des patients dans un premier temps. La première fois que j'ai allongé un patient, après l'avoir vu un moment en face à face, j'ai été extrêmement dérouté. C'est-à-dire que je me suis senti perdu. Pendant un moment, je me suis senti perdu. De plus l'avoir sur le fauteuil face à moi, a fait que je me trouvais aux prises sans donc c'est cette présence du regard je me trouvais aux prises avec tout un tas de sensations, d'émotions, qu'il m'a fallu du temps pour apprivoiser. Alors, là encore, que j'attendais depuis très longtemps, ce moment-là, je l'ai attendu comme analysant, ensuite pendant mes études et comme thérapeute, ensuite. C'était quoi ces émotions ? C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir le sentiment peut-être de lâcher le patient, mais peut-être plus encore, j'ai pu avoir le sentiment que le patient ou la patiente me lâchait. Il n'y avait plus une évidence comme ça de la circulation des mots et des regards. Et aussi, peut-être, l'advenue d'une plus grande liberté. Celle de mon regard, n'étant plus sous le regard du patient. Donc du coup, à pouvoir peut-être avoir plus mon regard qui se promène, la possibilité de regarder par la fenêtre, la possibilité de regarder mes chaussures, plus qu'en face à face. Et un afflux plus important de pensées, d'images, dont je me suis rendu compte progressivement que c'était aussi toute la matière de l'analyse qui était présente dans cet afflux. Donc la liberté du patient, lorsqu'il est allongé, elle trouve un écho dans la liberté de l'analyste, lorsqu'il n'a plus le regard du patient. Oui. Et moi j'ai eu l'impression que comme tout moment de liberté qui advient, il y a un moment de déstabilisation importante qui l'accompagne. La première fois qu'un patient s'est allongé, que vous l'avez quitté du regard, vous vous en souvenez ? Oui, je me souviens très bien. Il y avait quand même une sorte de satisfaction. Ça y est, d'être là derrière mon premier patient. Et en même temps, une réelle appréhension, ne sachant pas comment j'allais, moi, vivre cette situation-là, parce que c'est une situation très particulière. Et puis finalement, ce moment-là, ce moment princeps-là, il passe très vite. Il est passé très vite, en fait. C'était vraiment, j'allais dire, la première fois. C'est une situation très particulière, parce que vous ne savez pas où vous allez aller. Où va aller le patient et où vous allez aller. Oui, c'est une situation particulière parce que comme toute situation qu'on vit pour la première fois, on ne sait pas, on l'a expérimenté de l'autre côté, on a imaginé, mais on ne sait pas ce que c'est tout à coup d'être soi dans cette, finalement, le récipiendaire de cette aventure, de cette confiance, aussi de ce que le patient ne dit pas, parce que on parle beaucoup de ce que les patients disent, mais enfin, parce que le silence, il n'est pas que du côté des psychanalystes. Hein. Les patients parlent beaucoup des psychanalystes qui ne parlent pas, mais les patients qui ne parlent pas, c'est aussi quelque chose de très fréquent, de très significatif et de pas toujours facile à supporter quand ça prend des proportions. Quelquefois vraiment douloureuse ou l'impression que ça arrête le travail. Donc tout ça, c'est des choses que j'avais à l'esprit comme ça la première fois. Et puis il y a quelque chose de différent, c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux patients de s'allonger, qui se passe quand ils sont allongés et on ne sait pas finalement ce qui va se passer. Comment vous avez trouvé, Isée, les mots avec lesquels vous dites bonjour aux patients, avec lesquels vous l'invitez à venir dans votre cabinet ? Avec lesquels vous ponctuez la séance, et puis ensuite, quand arrive le moment de la fin de la séance. Ça, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, la figure de mon analyste était très présente. La façon qu'elle avait de ponctuer tous ces moments-là, d'accueil, de séparation. Alors, il y a des choses que je lui ai empruntées, et que j'ai gardées toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis d'autres où en fait ça m'est venu sans que je l'ai décidé, parce que c'était ma façon de faire, en fait, c'était mon style. C'est assez... quand on commence à être analyste, je trouve qu'il y a tout un parcours qui est la déprise par rapport à la figure de l'analyste, la façon dont on est identifié à cette figure, dont on peut être habité, et puis... Petit à petit, c'est assez jubilatoire les moments où on se rend compte qu'on fait des écarts, qu'on trouve son propre style, que ça c'est nous, ça appartient à personne d'autre, et que finalement, nous, on va être un analyste comme ça. Et au début, ça se fait beaucoup en mesurant les écarts, en se disant, tiens, ça, ma psy n'aurait pas fait comme ça. Ou là, je me rends compte que je crée. En fait, quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous faites qu'elle ne faisait pas ? Qu'est-ce que vous dites qu'elle ne disait pas ? Alors, par exemple, tout à coup, ça m'est venu à la fin de la séance de dire « bien ». Voilà, c'est très classique. Je pense qu'il y a plein d'analystes qui le font, mais elle ne le faisait pas du tout. Elle disait quoi ? Elle disait « on va s'arrêter là » ou quelque chose comme ça. Qui est une phrase que je peux dire aussi, mais j'ai rajouté le « bien ». Et le bien, il est à moi. Vous pensez que vous êtes quel style de psychanalyste ? Quel genre de psychanalyste ? Joyeuse, vous pensez que... Voilà, joyeuse, bavarde... Joyeuse, je ne sais pas si je dirais que je suis... Je ne pense pas qu'on est... J'ai rarement rencontré... Je dirais que je suis plutôt joyeuse dans la vie, mais enfin, je ne pense pas qu'on est joyeux en tant que psychanalyste. Mais il y a des patients avec qui je suis beaucoup plus silencieuse qu'avec d'autres. Bienveillante, je dirais, mais bon, je pense que c'est vrai de tous les analystes... J'ai une petite patiente, parce que je vois des enfants aussi, qui m'a dit qu'elle pensait que j'étais une mère sévère, mais juste. Une mère, pas une analyste. Sévère, mais juste. Et ça m'a fait rire, parce que moi, j'aurais pensé que cette petite fille me trouvait au contraire extrêmement chaleureuse. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, bah, finalement, on ne se voit pas comme les patients vous voient. Vous pensez être quel genre de psychanalyste, Vincent ? Un psychanalyste qui est quand même assez passionné par les limites. Et alors, vous trouvez les analysants qui correspondent à votre passion ? Non, mais peut-être que je suis un analyste un peu limite. Encore. Je suis peut-être pas très orthodoxe. Votre question, c'était sur mon style. Ouais. Je suis pas sûr, parce que je fais vraiment mon travail vraiment avec beaucoup de... Bon, vraiment, ça, c'est une implication émotionnelle très forte. Les limites, c'est quoi ? Les états limites ? Oui, vous savez que voilà, j'ai travaillé sur les états limites, et moi-même, c'est quand même un champ qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que parfois, si je me compare à des figures plus orthodoxes de la psychanalyse classique, j'ai pas l'impression que je suis encore... un analyste classique, mais enfin, je suis pas sûr de savoir ce qui se passe du côté de leur pratique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que parfois je déplace des séances, plutôt que de faire payer la séance alors que la personne n'est pas venue. Vous voyez, est-ce que je le ferai encore dans 20 ans ? Je sais pas. Vous voyez, là, il y a une patiente, voilà, elle me fait un texto pour dire que elle annule, donc je dis, bah, est-ce qu'on peut déplacer ? Je suis pas sûr que tous les analystes puissent... correspondre par texto. En même temps. Hein. Il y a aussi, pour moi, quand même, c'est important de... On est là, quand même, pour accueillir des... Voilà, on accueille de la parole... Une parole qui est inédite, qui est parfois douloureuse, parfois très difficile justement à ce qu'elle vienne. Donc, pour moi, il y a... Mais c'est un mot que Ferenczi emploie, le tact. Moi, c'est quelque chose auquel je trouve que dans la pratique, c'est essentiel, ce concept de Ferenczi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on accueille quand même les choses avec tact. Alors, on a chacun d'ailleurs notre façon d'avoir du tact. Je pense qu'il y a des styles très différents. Il y a sûrement des analystes plus sténiques, plus énergiques. Moi, je pense que c'est vrai que c'est dans une certaine douceur. Être analyste, c'est quand même toujours du côté d'être en train de le devenir. Enfin, c'est vraiment sans fin. Il y a pas de... Je crois qu'à aucun moment, on se dit « je suis analyste ». Enfin, il y a quelque chose de plus... Donc oui, c'est plus vraiment, là pour le coup, c'est en devenir, c'est-à-dire que je ne saurais pas... C'est-à-dire que c'est à la fois en devenir et à la fois aussi imprégné, effectivement, lié à tout un tas d'autres rencontres, d'autres... Donc oui, je ne saurais pas comment définir cette identité, en quelques mots, ça serait compliqué, oui. Puis c'est très lent, hein, pour le coup. Là, pour le coup, ça va vraiment à contre-courant peut-être de certaines tendances actuelles de la société, comme ça l'évite. Hein. Là, pour le coup, je pense que c'est effectivement... on parle volontiers en termes de décennies quand on parle d'analyse. Alors c'est vrai que ça paraît un peu ringard, quoi. Alors là, bien évidemment, il y a beaucoup de caricatures qui peuvent être dites sur la pratique analytique. Hein. Combien de personnes autour de moi peuvent me dire « Bah alors, toi, ton travail... Hein, t'as qu'à rester là dans un fauteuil, te taire et dire mm-mm. Alors, ça peut paraître un peu humoristique cette histoire-là, mais c'est quand même très sérieux. Les bruits que je peux faire sortir de ma bouche sont variables. Effectivement, je crois que à certains moments, oui, hein, pour inciter, quand on voit que ça, c'est un peu laborieux, qu'il y a des résistances, que le patient s'arrête, qu'il commence à dire quelque chose, ou alors carrément dire la phrase « oui, poursuivez » ou « ça vous fait penser à qu'est-ce que ça pourrait évoquer ?» lorsque vraiment là, le patient est passé d'une idée à une autre. Alors c'est la règle, hein. C'est la règle de l'association libre, et c'est une règle quand même très particulière, puisque dans la communication ordinaire, on parle pour répondre à une question, donc on parle avec sa raison, dans un ordre logique, à peu près organisé, et qui tient avec une sorte de vouloir dire, hein, vouloir répondre, vouloir signifier. Alors que dans l'association libre, l'exercice qui est demandé, c'est de dire ce qui vient à l'esprit, comme ça vient. Je crois que c'était Pontalis qui disait même la mère la plus folle ne peut pas exiger ça de son enfant. C'est-à-dire, donc c'est quand même une situation très particulière où on peut imaginer que parfois l'évocation d'un souvenir ou d'une idée qui tout d'un coup est associée à une image, à un souvenir qui fait remonter une émotion et il y a comme ça un moment où peut-être l'analysant est rempli d'une émotion, d'un trouble, peut-être parce qu'il revit un peu à la façon de la Madeleine de Proust, hein, c'est-à-dire à partir d'une image, il revit toute une émotion, toute une histoire, toute une période. Et là, il s'agit aussi de respecter ces moments. On peut pas non plus dire oui toutes les 3 minutes... comme si on voulait forcer le patient à aller vite. L'analyse, c'est quand même aussi une expérience psychique où on a encore le droit, où on a encore le mérite aussi, je crois, de prendre son temps. C'est pas une psychothérapie coaching, cognitive, où on est centré sur le symptôme, c'est quand même une expérience dans laquelle... on s'engage avec des motivations très profondes par rapport à qui suis-je, qu'est-ce que je veux devenir. Et donc ça peut, ces questions-là peuvent pas se résoudre en 10 séances. On prend le temps et c'est difficile peut-être au début de la pratique, hein, de tenir le silence. Parce qu'effectivement, parfois, quand on connaît l'histoire de quelqu'un qui vous a raconté comment, finalement, ça se passe toujours, par exemple, au plan des affaires affectives, ça se passe quasiment toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça commence à se tricoter et que ça pourrait devenir positif, plouf, hein, y a une scène... Et puis ça casse, il y a de l'agressivité, ou enfin toutes sortes de manifestations. Et c'est vrai que la fonction de l'analyste, quand même, même si on n'est pas là pour éradiquer d'une manière immédiate le symptôme, on est là pour tenter de faire avec le patient, faire en sorte que le patient se libère d'un certain nombre de ses entraves, qui l'empêchent, qui l'inhibent, qui l'empêchent d'aller dans le sens où il pourrait se réaliser. Tout ce qui se passe aux bordures, la manière dont les gens arrivent à l'heure ou pas, la manière dont les gens payent ou pas, la manière dont les gens ont envie de rester à la fin des séances ou pas, ce sont des lieux où il se passe beaucoup de choses, les moments où les patients peuvent avoir des demandes, qu'on leur dise telle ou telle chose. C'est-à-dire, une cure, c'est ponctué d'une multitude de ces petits événements qui font d'ailleurs qu'on pourrait n'être pas seulement dans la parole, qu'on est appelé à d'autres endroits que seulement celle de la parole, la pratique consistant à remettre les choses à l'endroit de la parole et de la pensée. C'est quoi les autres endroits que ceux de la parole ? Ben, c'est un patient qui voudrait que vous le preniez dans ses bras, ou que vous l'accompagniez faire une démarche parce qu'il n'a pas envie de la faire. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande ça ? Oui. Ou qui voudrait que vous lui disiez telle ou telle chose, parce que ça lui ferait du bien à ce moment-là d'entendre ça. Il faut résister. Ou que vous soyez là pour lui quand vous n'y êtes pas. Ou que vous l'accueillez à un horaire qui lui convient mais qui ne convient pas. Alors, il faut résister. Il faut en tout cas questionner la demande qui va se nicher là. Et voir tout ce que cette demande a d'intéressant par rapport à l'économie personnelle d'un patient. Et en quoi aussi le fait de n'y pas répondre va obliger le patient à aller chercher d'autres solutions. Et prioritairement, dans le meilleur des cas bien sûr, à aller chercher les solutions à l'intérieur de lui. C'est-à-dire ce retrait et cette abstinence, ils sont aussi là pour ça. Ils sont aussi là dans l'idée que les personnes ont à l'intérieur d'eux des ressources importantes qu'on les invite finalement par notre silence ou notre retenue à pouvoir déployer. Ça c'est aussi tout un aspect très optimiste de la psychanalyste. C'est-à-dire mon silence va ma retenue va vous aider à arriver dans des endroits où vous allez trouver des choses nouvelles. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement à travers la façon dont le patient cherche comme ça à nous approcher, à être dans une proximité un peu plus comme ça familière, chaleureuse. Qu'est-ce que ça nous dit de lui ? Donc évidemment, a priori, on ne répond pas, c'est-à-dire qu'avec l'idée que c'est, de toute façon, c'est pas notre vie qui intéresse le patient, ça c'est clair, il a beau nous poser des questions très personnelles, ce qui l'intéresse, c'est lui. Donc, même si à la rigueur, on se mettait à lui répondre, on se rendrait vite compte que le patient n'est absolument pas intéressé par notre vie. Enfin, je m'entends, c'est-à-dire que ce qui intéresse le patient, c'est lui. Lui, dans son rapport aux autres, à l'autre, et donc à la fois à ses objets d'enfance, et surtout dans ses relations aux autres dans l'actualité, hein, de sa vie, qu'elle soit adulte, adolescente. Donc évidemment, on ne répond pas dans la réalité, mais on va essayer d'entendre ce qui va avec toutes ces questions ou ces recherches de liens, de contact, très souvent, parce que ça c'est plutôt classique, que le patient cherche à se rapprocher de l'analyse, justement parce que souvent cette dimension d'écoute, pour écouter il faut bien être dans le silence, donc du coup il y a effectivement une grande part de silence, même s'il n'y a pas que du silence. Vous avez des exemples, Fanny, de patients, comment ça se traduit, un patient qui cherche à se rapprocher de vous? Mais ça peut être un patient effectivement qui pose des questions plus personnelles ou qui va dire pour vous j'imagine, etc. Ou pour vous ça doit être comme ci ou comme ça. Ou alors un patient qui va effectivement essayer de grappiller un peu de temps à la fin de la séance, sur le pas de la porte, qui va chercher à ou mettre plus de temps pour régler la séance en posant ou en demandant s'il faut que ça se passe comme ci ou comme ça, où on sent qu'il aimerait bien prolonger quelque chose, voilà, que quelque chose se prolonge, du lien à moi, donc à travers moi, je sais pas qui, en tout cas quelle figure pour lui de son histoire. Mais c'est aussi toute cette question, c'est-à-dire que tout ce que le patient nous témoigne, on ne sait pas forcément à travers nous à qui c'est adressé réellement. Mais c'est vrai que ça va être plus ça, effectivement, ou alors le patient qui fait des blagues, qui cherche à nous séduire finalement beaucoup, qui cherche à nous faire rire, à nous séduire. Donc c'est pas interdit de rire, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de trouver très drôle une blague d'un patient. Bon. Après, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est pas interdit de rire ou de répondre. Toute la question, c'est de voir un peu où ça peut emmener, où le patient nous emmène, quoi, et quel sens ça aurait. C'est un patient qui serait comme ça un peu excité par la situation. C'est bien aussi de permettre que les choses puissent se passer sans que ça y ait une sorte de surenchère, une espèce trop d'excitation, trop de rire qui peut masquer toute autre chose d'ailleurs. Mais un psychanalyste n'est jamais séduit par un patient. Enfin séduit, mais au sens bien de sûr, l'attachement, on a, bien sûr, parce que mais ça c'est extrêmement important, je trouve. C'est-à-dire que on n'est pas de marbre et puis on a bien sûr, on ressent aussi tout ce que le patient mobilise chez nous, on travaille aussi avec ça. Déjà parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile de travailler avec un patient pour le coup qui nous séduit ou qui nous a séduit dans les premiers entretiens plutôt qu'avec un patient qui a plutôt mobilisé en nous des sentiments négatifs. Alors après, ça a toujours à voir avec la façon dont quelqu'un est en lien avec les autres. C'est-à-dire qu'un patient qui nous a séduit assez facilement, on peut imaginer que c'est aussi quelque chose qui a à voir avec sa façon d'être en général. Et dans quelle mesure c'est quelque chose qui pour lui est une façon de s'arranger avec d'autres difficultés, dans quelle mesure c'est vraiment quelque chose qui est authentique pour le patient ou pas. Mais bien sûr qu'on est séduit par les patients, plus ou moins, et bien sûr qu'on est parfois énervé par les patients, en colère, agacé, heureusement, sinon ce serait terrible. Mais on travaille avec ça, effectivement. Oui, oui. Il y a des patients qui nous touchent plus que d'autres, ou alors à certains moments particuliers. Je crois que c'est pas tant une hiérarchie entre patients, c'est que de toute façon, quand on est engagé dans un processus avec un patient, un processus psychothérapeutique ou analytique, on va vivre des choses avec ce patient. C'est pas possible. Enfin, sinon, rien ne se passerait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on vit des choses avec ce patient, parce qu'on a aussi la possibilité de penser à ce qu'on vit, ce que le patient nous fait vivre, etc. C'est comme ça que le travail se fait. Donc ça peut être aussi à des moments particuliers du traitement qu'on va être, ou à un moment tout d'un coup, une fraction comme ça dans une seconde, on va être tout d'un coup touché. Évidemment, parfois c'est aussi parce que ça vient toucher quelque chose de notre histoire. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir le penser dans l'après-coup, justement, pour éviter de trop s'en mêler et de savoir repérer ce qui vient de soi, ce qui vient du patient. Enfin, c'est jamais aussi, aussi hermétique, aussi simple. Mais évidemment, il y a de l'affect qui est très présent, bien sûr. C'est pas intellectuel, le processus thérapeutique, c'est pas du tout intellectuel. Alors, vouloir que ça aille mieux pour le patient, c'est une idée altruiste et bienveillante. Mais il faut peut-être savoir que dans la traversée de l'analyste, que dans la traversée de l'analyse, il y aura des moments où ça ira pas mieux. Et au contraire, c'est-à-dire que je pense à une configuration qui peut être assez courante dans les fonctionnements un peu limites qu'on peut recevoir sur le divan. C'est que parfois, certaines stratégies d'adaptation, certaines stratégies de défense permettent d'évacuer l'angoisse. Donc il y a certaines stratégies de défense, des mécanismes de défense, comme on dit, qui vont permettre à certains patients de ne pas souffrir. Bon, on peut faire le pari que quand même, au bout d'un certain temps de fréquentation de la situation analytique sur le divan, il y a comme ça des mécanismes de défense qui, peut-être, qui étaient là pour se protéger d'émotions qui font trop mal, qui commencent à s'émousser. Et de fait, si ces mécanismes qui assuraient justement un sentiment de toute puissance, si ces mécanismes s'émoussent, s'usent, ou se réduisent, il y a une souffrance clinique qui s'engouffre. Et donc le patient peut, à juste titre, vous dire au bout d'un an, « Mais monsieur, c'est encore pire depuis que je viens. » C'est-à-dire que je souffre encore plus. Ça vous est arrivé ? Oui, moi je pense à quelqu'un qui était pris dans une sorte de double vie. C'est-à-dire il y avait une vie avec la partenaire officielle, il y avait une vie avec la partenaire officieuse. Et peut-être que seul l'analyste était témoin de cette double vie, qui parfois d'ailleurs prêtait à humour en séance, parce qu'il y avait des situations acrobatiques, rocambolesques, dignes de certaines pièces de théâtre de boulevard. Vous vous autorisiez à rire si le, ça m'est arrivé de pouffer, oui. Mais je crois que ça soulage aussi le... Donc, en tout cas, l'humour qui a pu être partagé, finalement, dans cette séquence, me rappelle que, petit à petit, le clivage, c'est-à-dire ce qui assurait que les deux scènes étaient absolument tenues séparées, ben, cette double vie-là, à un moment donné, je crois que le patient a entendu que s'il venait ici... et puis, l'humour a opéré un lien entre les deux scènes. Le partage émotionnel ici. De sorte que, à un moment donné, les deux scènes se sont un peu plus rapprochées, c'est-à-dire qu'au plan de sa santé psychique, on aurait pu dire il allait mieux, parce qu'il était moins complètement double, hein. Mais au plan de sa santé clinique et de son taux d'anxiété, d'angoisse, etc., c'était la catastrophe. Donc, cette personne-là aurait pu tout à fait dire de son analyste, mais c'est encore pire, de toute façon, la psychanalyse, vous entrez, vous allez bien, vous sortez. Et justement, je crois que c'est pour ça que, dans ces moments-là où il y a vraiment une crise identitaire, il faut tenir. Il faut tenir le cadre. Vous avez lu Viviane Elisabeth Fauville ? Non. C'est un premier roman qui vient de sortir aux éditions Minuit. C'est l'histoire d'une femme qui tue son psychanalyste. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement, oui. Et alors, elle est interrogée par la police et alors elle s'embrouille. Elle dit, oui, j'ai tué le commissaire. Non, vous n'avez pas tué le commissaire, vous avez tué le docteur. Oui, mais pourquoi vous avez appelé votre mère ? Parce que, mais j'ai pas dit que j'avais appelé ma mère. Enfin, vous dites n'importe quoi. Et elle dit, mais je dis tout ce qui me passe par la tête. C'est mon psychanalyste qui m'a appris à faire ça. D'accord. Bon, j'espère que je n'aurai pas le même sort que son psychanalyste. Non, elle l'a tué parce qu'il lui a dit « Soyez gentille » à un moment où elle n'avait pas du tout envie d'entendre ça. Il vous est arrivé de commettre des maladresses. J'allais dire « C'est bien fait pour lui s'il lui a dit « Soyez gentille ». Mais j'en ai sûrement commis, oui. Mais de toute façon, les fautes ça fait partie intrinsèque du travail et surtout... On ne peut pas, et je pense qu'il ne faut pas aspirer à être un analyste qui ne fait pas des fautes. Je pense que le danger, c'est de se dire, bon, le moins j'en dis, moins je vais me planter. Alors ça, c'est vraiment, enfin, moi, c'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses. Je pense qu'on doit prendre des risques aussi. Puis ça dépend aussi de la relation transférentielle contre transférentielle, la fameuse relation. Mais on peut très bien imaginer que le soyez gentil de cet analyste, le patient l'a entendu comme une injonction qui, évidemment, était totalement transférentielle, qui venait de bien plus loin que le psychanalyste, et que ça a dû être insupportable pour cette patiente de fiction à ce moment-là. Dire à un patient comment être, c'est déjà quelque chose finalement d'assez particulier. La forme impérative me paraît très particulière dans ce cadre-là, mais on peut l'utiliser à certains moments justement à bon escient. Donc les fautes, oui, je pense qu'il faut en faire, et je pense que c'est même très important que les patients se rendent compte que vous n'êtes pas parfait, parce que sinon on rentre dans des processus d'idéalisation qui, à mon avis, sont souvent des arrêts au travail, que quelque chose de bénéfique au travail. Donc oui, fautes, oui. Moi, je me rends compte que ce silence qui parfois était difficile au début, et qui était peut-être plus du côté de se taire. Aujourd'hui, avec le début de la pratique, hein, je crois qu'il est en train de se transformer en un silence véritablement d'écoute, c'est-à-dire où le psychanalyste, il se met entre parenthèses, et Fédida, qui était un universitaire analyste que j'aimais beaucoup, et quand il parlait du silence, il en parlait comme d'un réservoir d'écoute. Et donc, se faire tout entier une sorte de réservoir d'écoute pour faire une sorte de chambre d'écho à la parole, à la musicalité, au choix des mots qui sont donnés comme ça à entendre par le patient. Et ça fait une sorte de petite mosaïque comme ça qui se constitue. ça a l'air parfois un peu fragmenté. Justement, l'association libre privilégie ce caractère un peu comme ça délié. Et ce silence, c'est une expérience intime aussi, qui se découvre aussi, je crois, avec la pratique analytique. Et donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce silence de l'analyste, il est peut-être beaucoup moins pesant pour moi qu'au début, non seulement parce que j'ai compris son utilité. Le patient ne vient pas pour que l'autre lui donne la solution. Il est venu pour chercher sa propre solution. Donc, c'est une attitude, je crois, quand même très précieuse, parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est difficile de trouver un lieu où on est écouté. Fanny, qu'est-ce qui entre dans le désir d'être analyste ? Le goût pour les histoires des autres, l'envie d'aider les autres ? Alors ça, c'est vraiment la question. C'est peut-être une des seules questions à laquelle je m'attendais un peu, à laquelle j'ai essayé de me préparer et à laquelle j'ai pas plus de réponses. C'est-à-dire que... Alors, par exemple, aider les autres, ça, c'est vraiment, pour le coup, non, parce que... Enfin, non. C'est-à-dire que ça me rappelle un peu mon adolescence, quand j'ai commencé à avoir envie d'être psychologue. Voilà. Et ce que j'entends chez les étudiants. L'envie d'aider les autres, ça, c'est quelque chose... Bon, je crois qu'au final, c'est évidemment beaucoup plus complexe, et c'est pas là que ça se joue pour l'essentiel. Je crois que vraiment, parce que... Je saurais vraiment pas répondre, mais déjà parce que je pense que j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que je peux, enfin c'est ce qui me semble, ce qui m'est le plus familier en termes de métier. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre et je me sens dans mon élément. Après, je crois que ça remonte à très loin, hein, c'est-à-dire que ça m'intéresse profondément, voilà, la psyché. Alors évidemment la mienne et celle des autres, mais ça m'intéresse profondément et donc. Pour moi, voilà, c'est un domaine d'exploration sans fin et d'intérêt sans fin. C'est plus à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a une telle richesse. C'est une sorte de domaine d'exploration qui recouvre d'ailleurs d'autres, parce que je pense aussi, ben, je sais pas, mon goût pour la lecture, mais il y a beaucoup d'analystes aussi ou l'écriture, la matière de départ quand même, l'humain est la même, on retrouve la même. Donc ce serait plus ça, oui. Aider les autres, je sais pas. Je sais plus trop ce que ça veut dire, pour le coup. Bien sûr, évidemment, on a l'idée que ça va avoir des effets, c'est certain. Sinon, on ne ferait pas ce métier, je pense, effectivement. Donc c'est pris dedans, oui. Effectivement, pour certains patients, on peut incarner une sorte de figure maternelle, paternelle. D'ailleurs, l'analyste n'a pas forcément de sexe attribué, hein. Peut être une grand-mère, un grand-père, et ça varie dans le temps. Mais moi, je peux parler peut-être plus facilement d'états transférentiels qui m'ont mis dans l'embarras. Mais en même temps, c'est le jeu. On travaille avec le transfert, donc il ne faut pas se plaindre si, à un moment donné... telle ou telle patiente subitement est amoureuse ou très vite ensuite peut-être complètement agressive à votre égard. C'est-à-dire que c'est quand même une chance de travailler avec cette théorie du transfert et de le vivre vraiment aussi dans son corps. C'est-à-dire plutôt que, vous voyez, si vous travaillez à l'hôpital par exemple et si vous n'êtes pas formé à l'analyse, bah si quelqu'un vous agresse, vous pourrez tout à fait imaginer que cette agressivité vous est adressée. Alors que si vous travaillez avec le transfert et avec la métapsychologie freudienne, vous pouvez tout à fait entendre que cette agressivité ou cette violence ou cette espèce d'excitation érotique, elle est adressée à quelqu'un d'autre. Donc, ça vous soulage par rapport à tout ce que vous êtes amené à entendre. Et puis, peut-être aussi, parfois, grâce à une interprétation qui peut sortir d'une manière, parfois, comme ça, par hasard, hein, quand on ne s'y attend pas, on prend la parole et on profère des sons, parfois qui restent inaudibles pour le patient. Souvent, c'est des interprétations qui n'ont pas été vraiment travaillées. Peut-être qu'elles arrivent comme ça, comme un rêve, en fait. Et peut-être que ces interprétations peuvent prendre position, là, pour mettre un écart, hein, lorsque le patient est vraiment collé à une sorte d'émotion comme ça qui... Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit, Vincent, en vous agressant? Qu'est-ce qu'un analysant peut dire de très agressif à son psychanalyste ou au psychanalyste que vous êtes? Vous vous souvenez d'analysant ou agressant? Mais c'était au tout début de ma pratique. La patiente s'était roulée par terre, et de chagrin, mais comme un enfant, une sorte de régression comme ça infantile. Et puis qui pleurait, et puis leur tourner, c'est-à-dire que faire? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez, tout d'un coup, parce que la patiente est là depuis une heure, dire, bon, ben, on va s'arrêter là alors qu'elle est en train... Donc j'avais attendu, et c'est là que la lecture, certaines lectures m'ont beaucoup apporté. Lecture de fiction, de roman? Lecture de roman, mais lecture aussi d'analyste, c'est-à-dire que... Non seulement l'analyste qui se forme à la psychanalyse reste souvent aussi lui-même un analyste, parfois en contrôle aussi, en supervision, mais bien sûr il lit des ouvrages de psychanalyste. Et c'est vrai que Winnicott, par exemple, qui est un psychanalyste anglais, était susceptible parfois d'apporter avec ses patients difficiles une couverture et un bol de thé. Hein. Là, vous avez touché la patiente, hein, qui se roulait par terre? Non, mais plusieurs fois, en revanche, avec... j'avais attendu qu'elle se relève. Et d'ailleurs, je crois que si l'allusion de Winnicott me vient à l'esprit, c'est que ce jour-là, je crois que je lui avais apporté un bol de thé. Une patiente vient et me parle pendant toute une séance de... la culpabilité qu'elle avait d'avoir acheté une robe pour un mariage auquel elle allait. Et elle décrit pendant toute la séance la robe et à quel point cette robe est ravissante, mais qu'en même temps, elle n'aurait jamais dû l'acheter. Puis qu'en même temps, elle a passé l'après-midi à faire du shopping alors qu'elle aurait dû travailler. Donc, des idées de la culpabilité, de la difficulté qu'elle a à accepter le plaisir qu'elle prend réellement à ces choses-là, etc. Et puis, à un moment donné, elle me dit « Cette robe, elle est tellement belle que j'aurais aimé que vous la voyiez sur moi. » Et à ce moment-là, au moment même où je le pense, donc c'est même pas une interprétation que je fais, c'est vraiment elle qui est dans le transfert, elle me dit « cette phrase ne s'adresse pas à vous » et elle s'effondre en larmes. Et en fait, ça c'est vraiment un moment de transfert, c'est-à-dire l'utilisation de l'analyste comme ça dans un moment qui a été extrêmement émotionnel pour elle. Bon, je vous passe la suite sur... Et c'était intéressant parce que c'était pas une personne, elle s'adressait en fait à toutes les personnes qui ne la verraient jamais dans cette robe. Le contre-transfert, Vincent, qu'est-ce que c'est? Alors, le contre-transfert, c'est notre outil, en fait, d'analyse, puisque on se sert du corps, de nos émotions, de nos peurs, de nos excitations, de nos angoisses, comme laboratoire de recherche. Et parfois, c'est quand même impressionnant, alors qu'il y a quelqu'un qui vient, qui semble calme, qui parle d'une voix monocorde, avec les banalités de la quotidienneté, de sa semaine, et je pense à une situation où tout d'un coup, en moi, je me sens effondré. C'est-à-dire comme si j'avais ressenti en moi... quelque chose de la dépression masquée de cette personne, hein, qui reste tout à fait en surface, bien correcte, bien comme il faut, ou de vue de l'extérieur, on a l'impression que tout va bien. Donc, se fier aussi à des émotions qui nous gagnent. Et là aussi, donc, en dialectique avec la dynamique du transfert, se dire aussi que peut-être ce qui m'arrive à ce moment-là, c'est pas tant l'épuisement dû à ma semaine, à l'université, avec toutes mes activités, mais peut-être qu'aussi c'est une rencontre avec le monde psychique interne de la personne qui pourtant a l'air tout à fait normal, un peu robot, toujours un peu machinique. Donc il y a des émotions comme ça qui peuvent être très fortes. Ça peut être un sentiment de tristesse, ça peut être un trouble, ça peut être aussi des effets qui dépassent la séance, c'est-à-dire que on rentre chez soi, on se perd. Moi, ça m'est arrivé quand je travaillais avec des enfants autistes, pas en cabinet, là, mais en institution, où je pense que je sortais dans des états où parfois il m'arrivait au métro République de tourbillonner et de mettre 10 minutes avant de trouver la bonne sortie, de perdre mes clés, de perdre mes papiers d'identité. Donc je crois que, bon, là c'est un exemple un peu caricatural, mais en séance, en tout cas du côté de l'analyse, il peut y avoir tout d'un coup des émotions d'une intensité rare. La comparaison est très mauvaise, mais je vais la faire quand même. C'est comme dans un couple, c'est pas toujours merveilleux, mais il y a tout à coup quelque chose qui va se passer. Il faut avoir vécu les autres moments, on ne peut pas juste prendre les séances qui marchent, comme vous disiez, et laisser celles qui ne marchent pas, parce qu'il y a effectivement un rythme, un jeu, et une alchimie à un moment donné qui fait que ce qui est finalement... Parce que le langage, je pense qu'il peut être plus ou moins chargé de... pulsionnellement, j'allais dire, pour reprendre un langage analytique ou de vitalité, ou enfin plus ou moins chargé. C'est-à-dire que soit il peut simplement décrire le langage, la plupart du temps est descriptif, et puis de temps en temps, et dans la vie c'est pareil, hein, les mots ne sont pas que descriptifs, ils sont évocateurs d'autres choses. Et ça, je pense que c'est vraiment le travail. Et bon, et dans l'analyse, c'est de l'inconscient. Mais c'est pour ça que la littérature me paraît fondamentale et que je ne pourrais pas faire mon métier sans lire, pas seulement de la théorie, parce que je trouve que la vraie littérature, elle a en tout cas ce rapport aux mots où il est chargé d'autre chose que simplement ce qu'il décrit. Avec quel mot vous mettez fin à une séance, Alexandre ? Je dis bien, bien. Comme ça. Ou je peux dire bon. Je dis aussi, nous en restons là pour aujourd'hui. Ou encore bien, nous en restons là pour aujourd'hui. Les mots sont usés jusqu'à la corde. Voit l'ennui au travers et l'ombre des années mortes hante le vocabulaire. Par la main, emmène-moi hors des lieux communs et ôte-moi de l'idée que tu ne peux t'exprimer que par des clichés. Vienne à Vienne, tu ne parlais pas, simplement tu prenais mon bras. Et tu voyais à mon sourire qu'il n'était rien besoin de dire. Il vaut mieux laisser aux poètes le soin de faire des pirouettes. C'est très joli, oui, dans les livres, mais tous ces mots dont tu t'enivres, ces mots sont usés jusqu'à la corde. Voit l'ennui au travers et l'ombre des années mortes hante le vocabulaire. C'était les psychanalystes et leurs premiers patients. Hors des lieux communs. Merci à Caroline Thompson, Fanny D'Argent, Vincent Estellon, Isée Bernato et Alexandre Morel. Vienne à Vienne, tu ne parlais pas, simplement tu prenais mon bras. Extrait du film Habemus Papam de Nanni Moretti. Coordination Irène Omelianenko. Attaché de production Christine Gage et Eve Etienne. Prise de son Laurent Macchietti et Frédéric Kérou. Mixage Pierre Mine. Réalisation Anna Smuk. Un documentaire de Virginie Bloch-Linné pour Sur les Docs. Musulmans analysés, rêveurs, religieux, laïcs, dépressifs ou psychanalystes parisiens, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Et pour faire son transfert, bibliographie, lien, replay et podcast, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Méchy et Anise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et nous trouver sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons observer les artistes à l'œuvre.